fille à ta gauche et une fille à tes genoux qui t'incite à la débauche. Elles sont les princesses, princesse, les princesses de la rue. Elles savent faire le why en guise de bienvenue. Les princesses, princesse, les princesses de la rue. Princesse prédestinée pour un soldat perdu. Ouais, y'a Franck de République, il est parti à Pattaya, car il a le cœur qui bat pour une fille de Utaya. Lui qu'on a connu comme Casanova de la Raya. Au niveau de l'amour, on dirait qu'il a fait son choix pour une princesse, princesse, une princesse de la rue. Il sait faire le why en guise de bienvenue. Une princesse, princesse, princesse de la rue. Princesse prédestinée pour un soldat perdu. Pour aller au sabbat et l'an, ouais, y'a pas de réfractaire. Tous les anciens des Halles, ils sont tous volontaires. À commencer par Cambouis et par Patou du Crew. Mais une fois qu'ils seront là-bas, ils vont devenir fous à cause des princesses, princesse, des princesses de la rue. Car elles savent faire le why en guise de bienvenue. Les princesses, les princesses, les princesses de la rue. Princesses prédestinées pour des soldats perdus. Y'a l'avion à Roissy qui t'attend pour le Sabah Island. Alors t'auras tout bon à toi les princesses de la rue. Elles vont te faire le why en guise de bienvenue. Les princesses, les princesses, les princesses de la rue. Princesses prédestinées pour un soldat perdu. Y'en a qui ont envie de dire toutes les princesses sont des putes. Mais ils mentent comme ils respirent et ce qu'ils disent c'est une insulte. Les jeunes filles qui ont faim elles ont droit à la politesse. Faut pas dire que c'est des putes dans leur style, c'est des princesses. Les princesses, princesse, les princesses de la rue. Elles savent faire le why en guise de bienvenue. Les princesses, les princesses, les princesses de la rue. Princesses prédestinées, princesses de la rue. Y'en a qui vont me dire toutes les princesses dont tu parles sont les filles de paysans, elles ont pas une goutte de sang royal. C'est vrai qu'elles ont quitté leur village, leur rizière, pour soit faire une noblesse au grand royaume de la misère.